Isanganiro. Il est midi 55 minutes. Jean Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal de ce 27 décembre 2017. Voici tout de suite les grands titres. La mise en place des commissions électorales provinciales indépendantes et puis se clôture ce mercredi. Leurs membres devraient prêter serment très prochainement. Et la campagne pour ou contre le vote du projet de la nouvelle constitution devrait intervenir après l'appel au vote par le président de la République. Toutes les précisions dès le début de ce journal. Et la réouverture des marchés et réhabilités en mairie de Bujumbura se fait toujours attendre après plus de 4 mois de la fin des travaux. Le président de l'organisation Parsem affirme que des incompatibilités expliquent ce retard et appelle l'administration municipale à plus de vigilance pour le bien de l'économie nationale. Et en province Cibitoke, des personnes ayant des chantiers de maisons en construction se plaignent de la rareté du ciment alors que ce matériel est produit sur place. L'administration locale explique que c'est à cause du manque de courant électrique qui freine la production de ce ciment. Reportage dans cette édition. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Rebonjour. La mise en place des commissions électorales provinciales indépendantes CEPI se clôture ce mercredi. Le porte-parole de la Commission électorale nationale indépendante CENI indique que très bientôt, les membres des CEPI vont prêter serment. Prosper Nhaoguamiye précise que cela va marquer le début effectif de toutes les activités préparatoires du référendum de la Constitution prévu au mois de mai l'année prochaine. On l'écoute, il est au téléphone avec Joseph Sabiyabandi. Nous comptons que soit vendredi, soit samedi, ça va dépendre de quand ils vont arriver à Bujumbura. Nous ne sommes pas dans les mêmes provinces. Les différents membres des CEPI vont faire leur prestation de serment auprès de la CENI. Alors, la prestation de serment, c'est l'entrée effective, le début effectif des activités des CEPI. La CENI est en train de mettre en place les CEPI. Qu'en est-il de ceci? Justement, après la mise en place des CEPI, les CEPI vont faire des consultations au niveau provincial avec les partenaires électoraux, l'administration, les partis politiques, les confessions religieuses et les organisations de la société civile pour mettre en place les CEPI. La CENI met en place les CEPI mettent en place les CEPI. Et nous comptons que d'ici le 15 janvier au plus tard, le grand plus tard, les CECI seront mises en place. La CENI a annoncé récemment que l'élection du projet de la Constitution sera faite au mois de mai l'année prochaine. Entre la mise en place effective des CECI et CECI et le mois de mai, qu'est-ce qui sera fait? Après la mise en place des CECI et des CECI, on va directement recruter les différents agents recenseurs sur toute l'étendue du pays. On va commencer le travail d'enrôlement des électeurs. Après le travail d'enrôlement des électeurs sur terrain, on va faire la saisie informatique des données au niveau central, au niveau national, c'est-à-dire à Bujumbura. On aura un centre de traitement des données. À l'issue de ce travail, on va produire les listes électorales provisoires qui seront affichées pour éventuelles corrections. Et puis, la liste définitive des électeurs, nous allons affecter les différents électeurs aux différents bureaux de vote. On va produire les listes d'émargement et les cartes d'électeurs. C'est un travail qui, dans notre projection ou programmation, va durer autour de deux mois et demi, c'est-à-dire la deuxième moitié du mois de février, plus tout le mois de mars et le mois d'avril. Nous espérons que si la technique suit, s'il n'y a pas de perturbation majeure, nous osons espérer que fin avril, début mai, on pourra disponibiliser tous ces documents électoraux que sont les listes électorales et les cartes d'électeurs. Prosper Nhaoguamiye, porte-parole de la CENI, qui demande à ceux qui voudraient faire campagne contre ou pour le projet de la nouvelle constitution qui sera soumis au référendum d'attendre le moment opportun, c'est-à-dire quand le président de la République aura appelé la population à aller voter. Prosper Nhaoguamiye précise qu'aujourd'hui, c'est le moment réservé au gouvernement pour expliquer à la population le contenu du projet de la future loi suprême. On l'écoute encore une fois. Maintenant, la campagne qui se fait, c'est une campagne d'explication du projet de constitution à soumettre au référendum de 2018. Après, quand Son Excellence le Président de la République aura convoqué les électeurs, c'est soit 60 jours avant au plus tôt, 45 jours avant au plus tard. Il y a alors 2 semaines qui sont réservées à la campagne, cette fois-ci électorale. La campagne électorale, comme il est question d'un référendum, on répond à une question, c'est oui ou non. C'est à ce moment où les gens seront autorisés à faire la campagne du oui ou la campagne du non pour la Constitution. Mais les gens qui font la campagne du oui ou du non maintenant, c'est une campagne précoce. La campagne oui ou non, vous voulez dire la campagne contre ou pour la Constitution? Voilà, c'est cela. Prosper Nahouamiye, c'est le porte-parole de la Commission électorale nationale indépendante. Et les membres de la Commission électorale provinciale indépendante à Karoussi ont été mis en place. Notre correspondant a pu remarquer l'absence d'un membre de la coalition Amizero Yabarundi. Blaise Pascal Kararoumiye. Cette équipe de 9 personnes de la CEPIC de Karoussi a été présentée ce jeudi par la vice-présidente de la Commission électorale nationale indépendante. Elle est constituée de 9 membres, dont 5 Hutus et 4 Tutsis et 3 femmes, et ont été présentées par les partis politiques, le CNDD, FDD, LOFNL et la coalition Amizero Yabarundi. D'autres ont été présentés par les organisations de la société civile comme Forum des femmes et CODIP, mais aussi l'Église anglicane comme l'indique la vice-présidente de la CENI. Pour les inquiétudes de certains comme quoi ils n'ont pas entendu les représentants de l'Église catholique qu'ils avaient présentés comme Agnès Wikele par exemple, la vice-présidente a lu la lettre du représentant des évêques catholiques qui explique la non-participation des membres de l'Église catholique dans ses activités d'organisation du référendum. Pour les membres qui n'étaient pas présents dans cette salle et dont certains demandaient leur remplacement, la vice-présidente de la CENI a répondu qu'ils seraient alors directement remplacés une fois qu'ils refuseront de prêter serment et signale que la liste reste provisoire pendant 3 jours de les représentations. Signalant que c'est Chimie Limana Prosper qui est président de la CEPI de Karoussi et qu'il était même président lors des élections de 2015. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumiye pour Radio Isanganiro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Je vous l'avais dit dans les titres, plus de 4 mois viennent de s'écouler après la fin des travaux de réhabilitation de certains marchés en mairie de Bujumbura. Le président de l'organisation Parsem, Parole et Action pour le Réveil des Consciences et le Changement des Mentalités, considère que le retard dans la réouverture de ces marchés est dû au manque de transparence dans la distribution des stands disponibles. Faustin Dikoumana précise que l'absence de la loi sur les incompatibilités en constitue la cause. Il appelle l'administration de la mairie à faire preuve de vigilance pour le bien de l'économie burundaise. Il est au micro d'Alain Désiré Boukayenet. D'abord, nous nous réjouissons du fait qu'on ait organisé les travaux de réfection de ces infrastructures aussi importantes dans la vie de notre pays, surtout au niveau du secteur privé. Mais malheureusement, quand une période si longue passe, c'est-à-dire qu'il y a des tractations, des fois malhonnêtes qui sont tentées d'être faites par certains pour bénéficier indûment des places disponibles dans ces marchés. On l'a vu dans un récent passé où un marché, quand on termine de le construire, au moment de la distribution des places, on n'y met pas de transparence. Et certains agents de l'administration viennent pour bénéficier en premier lieu de ces places de commerce pour les faire louer. Ça veut dire que le commerçant va supporter doublement un loyer supplémentaire, autant de taxes, mairie, taxes communales, taxes OB, on l'accable de toutes les charges qui ne lui permettent pas de progresser. Ça, ce n'est pas une façon de soutenir le secteur privé. C'est le problème, justement, même de ce manque de loi sur les incompatibilités où les gens de l'administration veulent tout prendre au lieu de laisser la conquérir aspirer par et surtout les vrais commerçants qui puissent d'abord bénéficier directement de ces places de commerce. Sinon, c'est un type de corruption qui s'enracine et qui bloque l'épanouissement du secteur privé alors qu'il doit être la base de promotion du développement économique. Nous lançons un appel à l'administration de la mairie d'être vigilant. Nous voulons qu'il y ait une transparence vraiment évidente pour assainir ce secteur. Faustin Dikoumana, c'est le président de l'organisation Parsem. La rédaction attend toujours la réaction de l'autorité municipale qui reste introuvable pour l'instant. Il se tient à Kayanza depuis ce mardi une croisade de 6 jours qui a été organisée par la famille présidentielle. Il s'agit, d'après le président burundais, d'une croisade de remerciement à Dieu qui a pu garder le Burundi et les Burundais dans la paix et la tranquillité. Apollinaire Muzagara. Lors du discours d'ouverture de cette croisade, le président de la République du Burundi a indiqué qu'il s'agit d'une semaine de remerciement à Dieu, Dieu qui a protégé les Burundais contre beaucoup de faits poussant au désespoir et des faits qui se sont produits massivement durant cette année. Selon le numéro 1 burundais, la façon dont le Tout-Puissant est toujours à côté des Burundais, c'est la même façon qu'il regarde toujours les ennemis des Burundais, d'où ses remerciements a-t-il ajouté. Le président de la République, Pierre Nkurunziza, a annoncé que durant les 6 jours de croisade, de nouvelles règles qui les guideront durant l'an 2018 seront établies. Vous saurez que toutes les autres autorités de ce pays, excepté le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, ont répondu présent à cette croisade de prière organisée par la famille présidentielle de Kayanza, Apollinaire Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire Muzagara. Puisqu'on parle du président de la République, sachez que le président burundais, Pierre Nkurunziza, a reçu un prix, le prix de l'Institut Mandela, à côté des 4 présidents africains, celui de la Tanzanie, du Kenya, du Burundi et du Tchad. On pourra revenir sur cette information dans la suite de ce journal ou dans la soirée. Et la protection de la réserve naturelle de Bururi est le résultat de l'implication des communautés riveraines, y compris les Batois qui constituaient jadis une menace. Les membres de ces communautés témoignent. Une expérience réussie à appliquer ailleurs, selon le responsable des aires protégées dans le sud du Burundi. C'est un reportage de Jean-Pierre Misago. Il s'agit là de Christian Ndacyayisaba, représentant l'association Twiteze Imbere regroupant les Batois du chef-lieu de la province Bururi. Il reconnaît que dans le passé, la communauté Batois de Bururi détruisait la réserve naturelle forestière de Bururi en y extrayant du moellon, du sable, mais aussi en y recherchant du bois de chauffe. Cette situation a changé. Ces Batois ont en effet été associés dans l'aménagement et la gestion de cette réserve. Une activité qui leur rapporte 4000 francs burundais par jour et par personne, dont ils utilisent pour épargner 1500 francs burundais par jour et par personne. Leonidas Sinzigima, responsable des aires protégées dans le sud du Burundi, parle d'une expérience réussie qui peut même servir d'exemple dans la protection de notre réserve. Nous voulons alors que cette expérience développée dans et autour de la réserve naturelle de Bururi soit répliquée dans d'autres aires protégées et du pays. Et c'est possible. Et des contacts ont été entamés pour que nos partenaires puissent continuer à nous appuyer afin que cette expérience soit consolidée, mais également qu'elle soit étendue sur d'autres aires protégées et du Burundi. Il ne suffirait pas de bien conserver uniquement la forêt de Bururi, mais il faut, parce que la forêt de Bururi est dans un système, dans un réseau d'aires protégées nationales, il faut quand même les aires protégées et d'autres provinces, d'autres contrées de notre pays soient protégées et conservées de la même manière. De l'argent épargné depuis mars de cette année s'évaluant à plus de 15 millions de francs burundais, ces Batois ont pu s'acheter un terrain d'un hectare à 5 700 000 francs burundais, un terrain vers lequel ils comptent déménager avec la prochaine saison sèche. Leonidas Sinzigima indiquant avoir déjà eu un partenaire qui va les appuyer dans l'obtention des tôles, des portes et même du ciment. Jean-Pierre Misago de Bururi, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre, je venais de vous le dire. 4 présidents africains, celui de la Tanzanie, du Kenya, du Burundi et du Tchad, reçoivent le prix de l'Institut Mandela situé à Paris pour cette année et dans différentes catégories. Dans un communiqué de ce 23 décembre 2017, Dr Paul Kananura, président de cet institut, précise que les prix Mandela sont décernés suivant des critères précis. Mireille Kanyang est pour le compte-rendu de ce communiqué de presse. Les prix Mandela sont décernés selon ce communiqué de presse à des personnalités ou institutions pour récompenser des actions louables en faveur de l'Afrique et de la paix dans le monde dans l'esprit du panafricanisme. Le prix Mandela de la paix a été décerné au président tanzanien John Pombe Joseph Magufuli pour la poursuite de la politique tanzanienne de gardien de la paix régionale et ses actions très louables soulignent le communiqué en faveur de la justice sociale et de la pacification régionale. Sa gouvernance, poursuit le communiqué de presse, se caractérise essentiellement par une lutte énergétique contre la corruption et le gaspillage, la promotion de l'éducation et la politique de lutte contre la pauvreté, source d'amélioration des conditions de vie et de paix sociale en Tanzanie. Le prix Mandela de la démocratie revient au président kényan Uhuru Kenyatta pour son esprit démocratique et son respect des décisions institutionnelles qui consacrent le principe sacré de séparation des pouvoirs, précise le communiqué, et cela a fortement contribué à la consolidation du processus démocratique au Kenya. Selon toujours ce communiqué de presse, le prix Mandela de la sécurité revient à Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, pour sa politique ferme et efficace, dit-il, de lutte antiterroriste dans le Sahel et l'espace du lac Tchad, sa vision et son leadership continental en matière de sécurisation des espaces vitaux et de combat contre le terrorisme djihadiste dans la bande sahélo-saharienne. Le prix Mandela du courage est décerné au président burundais Pierre Nkurunziza pour sa résistance héroïque, poursuit le communiqué, aux sirènes de division ethnique fabriquées sur la scène internationale pour déstabiliser le Burundi et sa vision du développement endogène affranchie de l'aide extérieure. Merci Mireille Kanyang. Et c'est une grande satisfaction chez les rapatriés de Rumonge, après avoir constaté qu'un de leurs confrères ait été accueilli dans son poste d'infirmier par son patron. Ce dernier a dû abandonner une partie de son salaire pour sauver le poste de son employé. Pascal Niyoyankunze. Agnota Crenier travaille comme infirmier au centre de santé Saint-Bertrand au chef-lieu de la province Rumonge. Il avait fui le pays en 2015 en destination de la République démocratique du Congo. Il trouve incroyable ce qui lui est arrivé. Voir son chef céder la moitié du salaire pour sauver son emploi car son poste était déjà occupé. Arrivé dans ma famille, j'ai été accueilli chaleureusement par cet homme qui m'a aidé à regagner mon boulot. Cela m'a tranquillisé et jusqu'à maintenant, je preste convenablement. Le titulaire du centre de santé Saint-Bertrand, Simba Ndoumwe Apollinaire, dit avoir abandonné la moitié de son salaire pour faire preuve d'empathie. Mon confrère craignait m'a contacté par téléphone en m'informant qu'il vit dans des conditions précaires. Je lui ai exhorté à rentrer, mais à ce moment, le personnel était suffisant. Et j'ai jugé bon de scinder en deux parties mon salaire pour que Craigné puisse regagner son poste. Quant au représentant de l'Union des rapatriés au Burundi, c'est une grande satisfaction. Athanase Masumbuko. Arrivé à la maison, ce rapatrié a été bien accueilli par son patron qui lui a aidé à regagner son travail. Et ce patron n'était pas de son ethnie. Le patron est de l'ethnie Tutsi, tandis que ce rapatrié est de l'ethnie Hutu. Pour dire que la cohabitation entre les rapatriés et les résidents est bonne. Les rapatriés de Rumonge apprécient son comportement et demandent que cela soit un exemple et ça témoigne une bonne cohabitation entre les rapatriés et les résidents, explique-t-il. Merci Pascal Niyoyankunze. Pour terminer ce journal, certaines personnes ayant des chantiers de maison en province Cibitoke se plaignent de la carence du ciment au moment où l'entreprise de production de ce produit est implantée au chef-lieu de cette province. Ils demandent aux autorités de s'impliquer pour que ce matériel soit disponible et au prix prévu par la loi. L'administration provinciale explique cette situation par le manque d'électricité qui a pour conséquence une faible production alors que la demande est élevée. Charles Makoto s'est rendu chef-lieu de la province Cibitoke. Voici son reportage. Ils ont du mal à comprendre, mais la situation est telle qu'elle est. La pénurie de ce produit est selon les constructeurs une perte pour la province de Cibitoke. On a observé une hausse de prix du ciment jusqu'à un prix de 35 000 francs. C'est aux autorités de la province de Cibitoke, c'est de bien suivre les commerçants qui vendent du ciment pour ne pas encore augmenter des prix comme l'hiver. Mais aussi, ça devrait être un atout pour les gens de la province de Cibitoke parce qu'une fois que cette usine est installée en province de Cibitoke, on devrait avoir du ciment à un prix abordable. L'usine devrait être utile aux habitants de Cibitoke pour avoir ce ciment à un prix qui est fixé par le gouvernement. Pour celui-ci, il demande l'intervention de l'administration et celle de l'usine pour que ce produit important pour le développement de la province soit disponible au prix fixé et reconnu par la loi. Nous demandons à l'administration provinciale et à la direction de l'usine du ciment de faire en sorte que ce produit soit disponible au centre de la commune Rugombo. À Bujumbura, ce produit est disponible au moment où nous qui sommes proches de l'usine, nous avons du mal à en avoir. Une fois disponible, c'est à un prix très élevé, différent du prix fixé par la loi. De son côté, Ruben Tubirabe, conseiller technique du gouverneur de la province de Cibitoke, il explique cette pénurie par le manque d'électricité, avec comme conséquence une faible production alors que la demande est grande. Oui, il y a une usine qui produit du ciment au niveau de notre province. Il y a plusieurs facteurs qui le font, que cette usine ne donne pas du ciment convenablement à la population. Un, il y a un problème d'énergie. C'est un problème. De deux, il y a un problème de matière première. Je pense que la production qui était destinée, qui était prévue par l'usine, c'est pas la production que l'on trouve, que l'usine produit aujourd'hui. Si la production baisse, il y a beaucoup de demandes. S'il y a beaucoup de demandes et que la production n'arrive pas à satisfaire toutes les demandes, il doit y avoir une carence de ce produit. Cependant, devant l'usine Bousseko qui fabrique ce produit au chef-lieu de la province, s'observe un mouvement de va-et-vient des camions lourds, les uns apportant de la matière première, d'autres chargés du ciment. C'est au moment où les entrepôts du ciment sont fermés à double cadena, là où nous sommes passés au centre urbain de la commune de Rugombo. Voilà, c'est sur ce reportage de Charles Makoto que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Merci à Léonce Vitalio pour la réalisation de ce journal qui a été mis en onde par Jean Dodieu Ndaïsenga. Au micro Jean Bosco Nduimana, nous vous souhaitons de passer un bon après-midi. Isanganiro.